Donc, je ne sais pas si vous avez été attentif aux lectures, si vous avez bien écouté le contraste entre la première lecture et la deuxième. Donc, dans la première lecture, on dit « Si quelqu'un a la lèpre, qui a une marque ou une tache de lèpre, le lépreux devra porter un vêtement déchiré, des cheveux en désordre, se couvrir le haut du visage jusqu'aux lèvres, et il criera « Impur, impur !» Tant qu'il gardera ses plaies, il sera impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart et sa demeure sera hors du camp. » On s'imagine le traumatisme que ça pouvait créer hein, dans la personne lépreuse qui déjà constate « Oups, ma santé s'en va. » Mais en plus de ça, tout ce traitement, cette mise à l'écart qui en plus donc crée une exclusion sociale et relationnelle, devait être une deuxième souffrance en plus de celle de la maladie. On peut comprendre un petit peu le contexte, ne sachant pas trop ce qui se passait avec cette maladie et comment ça se propageait, c'est des maladies contagieuses. Bon, on pourrait dire que c'est un mécanisme de défense de ce peuple hébreu. Et en même temps, on voit qu'avec le Nouveau Testament et avec la venue de Jésus, il y a une nouveauté qui s'installe face au mal, face à la maladie. Hein, cette peur qui nous fait garder loin celui qui est impur et qui est malade est appelée à tomber. Cette peur est appelée à faire place à la compassion. Hein, qu'est-ce que veut dire le mot compassion? Ça vient du latin, hein? Cum, donc avec. Passion, ça vient du verbe pâtir, donc vivre avec, subir avec. Donc la compassion, c'est d'une certaine façon souffrir avec. Et saint Paul nous dit, soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie et pleurez avec ceux qui pleurent. Donc, l'Ancien Testament a très souvent apporter un certain progrès, le progrès de prendre conscience du mal, c'est déjà un progrès. Mais en même temps, il n'apportait pas la guérison. Et souvent, on voit qu'un des effets que ça a produit dans le peuple hébreu, ça a été d'amener des cœurs un peu durs. Au lieu de se laisser attendrir face à la misère, il y a des éléments qu'ils n'avaient pas compris du plan de Dieu. Et entre autres, il n'avait pas compris tout cet appel à la compassion et à aimer le prochain comme soi-même. Hein, c'est déjà des phrases, Jésus le dit évidemment, il le met en lumière, mais déjà dans l'Ancien Testament, cet appel est là, aime ton prochain comme toi-même. Mais plusieurs Juifs se sont laissés tromper par toutes sortes de petites règles, plus ou moins grandes, et se sont mis plutôt à faire un catalogue de qui est pur, qui est pas pur. Qu'est-ce qui fait que je suis pur, qu'est-ce qui fait que je suis pas pur? Et pour éviter d'être contaminé, ben on tient loin de nous les gens qui sont pas purs. Jésus est la lumière du monde. Une petite question, est-ce que la lumière doit avoir peur des ténèbres? Est-ce que la lumière a peur du noir? Selon vous? Je vous réveille un petit peu, là. Je vous pose une question. OK. 1, 2, 3, go. On se réveille. On ferme les yeux. On rouvre les yeux. On s'étire. Très bien. Est-ce que la lumière a peur du noir? Non. Ah, voilà. Certains sont réveillés. Très bien. La lumière n'a pas peur du noir. Pourquoi? Parce que la lumière fait reculer la noirceur. Je vous invite à faire le test ce soir dans votre chambre. Fermez toutes les lumières, fermez les stores et constatez comment il fait noir. Ensuite, apportez une allumette. Je sais que c'est de plus en plus rare, il y a de moins en moins de fumeurs, mais ceux qui ont des allumettes, craquez une petite allumette et remarquez. Une allumette, si petite soit-elle, est capable de faire reculer les ténèbres, même si toute une pièce en est remplie. Et là, il y a une prise de conscience à faire. Il ne faut pas avoir peur du mal, ni des ténèbres, ni des maladies, ni des défauts des autres. Et le Seigneur, mais aussi à sa suite, là, le pape François, je ne sais pas si vous suivez un petit peu, le pape François étonne beaucoup les médias, mais aussi interpelle beaucoup l'Église, les gens qui sont croyants, et les invite à sortir de l'Église. Hein, là, c'est super, on est peut-être 300 ici, mais le pape dit, c'est très bien, vous connaissez la parabole de Jésus, qui dit que Jésus a quitté les 99 brebis pour aller chercher la brebis égarée. Mais il dit, il y a une tendance actuelle de l'Église, c'est qu'il reste plus qu'une seule brebis à l'intérieur, il y en a 99 à l'extérieur, et qu'est-ce qu'on fait? On brosse la brebis à l'intérieur. Eh bien, non. Le bon pasteur n'est pas le brosseur de sa seule brebis qui est restée. Le bon pasteur quitte les brebis à l'intérieur et va vers l'extérieur sans peur. Oui, il y a des loups à l'extérieur. Oui, il y a des dangers à l'extérieur. Oui, il y a des branches. Oui, il y a des précipices. Mais le pape nous invite à quitter cette mentalité frileuse de la peur du monde. Il nous invite à ne pas avoir peur du monde, même s'il y a des ambiguïtés, même s'il y a des ténèbres. Si nous sommes attachés au Christ, si nous sommes ancrés dans la prière et si nous sommes fortifiés par le Seigneur, et nous le sommes parce que nous sommes baptisés, vous êtes tous habités par cette lumière du Christ. Hein? Et le Seigneur, la veille de sa mort, il a prié pour ses apôtres, mais il a prié pour vous et moi. Il a dit, Père, je ne te prie pas de les retirer du monde, je te prie de les garder du mauvais. Mais il dit, je les envoie dans le monde, je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu des loups. Récemment, un autre prêtre là au rassemblement qu'il y a eu cet automne nous commentait ce texte-là des brebis envoyées au milieu des loups. Au fond, il disait, c'est quoi la brebis aux yeux du loup? C'est quoi? Un bon repas. Les loups, au fond, ils ont faim. Donc, est-ce que j'accepte d'être de la nourriture? Est-ce que j'accepte d'apporter de la nourriture au monde? Ça va peut-être impliquer quelques sacrifices. Vous dites, ouais, mais la brebis, elle donne à manger, mais elle disparaît. Bon, on va demander la grâce de donner à manger sans disparaître. On est d'accord. Mais, au fond, le monde, plus que de la méchanceté, ce qu'il a, c'est de la faim et de la soif d'authenticité et de vérité. Et si, au départ, il va cracher toutes sortes de venins sur l'Église ou etc., c'est qu'il a une certaine connaissance, peut-être partielle, de ces réalités-là, de la foi et de l'Église, mais n'ayons pas peur. Paniquons pas avec tout ça. Repérons au fond la soif de vérité et d'authenticité derrière leurs phrases et leurs remarques et sachons la réveiller, cette soif et cette faim, et sachons les interpeller. Donc à la suite de Jésus, hein, Jésus, très étonnant, il alla vers le lépreux et qu'est-ce qu'il a fait? Jésus étendit la main, puis on va dire, ben c'est bien, il étendit la main, il touchera pas quand même pour pas attraper la lèpre. Mais non, Jésus le toucha, et lui dit, je le veux, sois purifié. Encore une fois, le Saint-Père nous dit, allons vers le monde. Allons au cœur des problèmes du monde. Non pas pour pécher avec eux. Ainsi, évidemment, aller dans le monde, si vous allez au bar, vous dites, tiens, je vais aller évangéliser mes potes qui vont au bar des danseuses. Bon, vous pouvez les évangéliser, mais peut-être pas en allant avec eux aux danseuses. Mais il y a des lieux moins pires et il y a des lieux où on peut juste discuter et les accompagner. Il y a toutes sortes de lieux qui sont pas méchants, aller écouter une partie de hockey, aller prendre un repas au resto, aller même prendre un verre avec des amis. N'ayons pas peur de vivre dans ce monde. Et le pape parlait, en fait, parfois catholique, une fois qu'on devient chrétien, et des fois il y a une mentalité de repli identitaire. C'est que le monde, on le trouve tellement menaçant qu'on fait juste affirmer ce qu'on est puis ce qu'on n'est pas. On n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça, puis ceux qui sont comme ça sont pas catholiques. OK, mais c'est pas encore ça, la dynamique de l'Évangile. C'est pas un repli identitaire. La dynamique de l'Évangile, c'est « Wow, Dieu nous aime, Dieu m'a transformé. » Et ce trésor-là, il faut que je le partage. Hein, j'ai une bombe dans les mains, j'ai une bonne nouvelle qui change la vie. Et si moi j'ai été capable de l'accueillir, peut-être mes amis, peut-être mes parents, des gens, mes collègues, sont peut-être capables aussi de l'accueillir, cette bonne nouvelle-là. Donc, encore une fois, allons au large à l'invitation de Jésus et à l'invitation du pape François. Seigneur, on te demande ce soir, d'abord on te remercie de venir vers nous, de nous guérir, de nous avoir guéris aussi de tous nos péchés, de continuer de le faire par ta parole et par les sacrements, le sacrement du pardon. Mais guéris-nous ce soir, Seigneur, d'être peureux et frileux. Garde-nous au fond de l'indifférence qui fait qu'on n'a pas le goût, pas l'audace de partager ce trésor que tu es dans notre vie. Oui, Seigneur, donne-nous ton amour, ta force pour aller au large, pour inviter et guérir ce monde avec ta force. Amen.